suis un être du moyen, chevalier d'électricité, à la recherche d'une aventure qui fera de moi un héros bonnet. J'en ai assez de virus du qui veut conquérir le monde entier. Il me dit de rester hors de ça, mais l'on finit par s'y ennuyer. Alors je cherche et je trouverai ce pouvoir qui est au fond de moi. Alors je cherche et je trouverai ce vieux fou qui est trop méchant, qui est très méchant. Batman, le chevalier qui contrôle l'électricité, voyageur plébiscité dans l'espace d'humanité. Manité. Vous comprendrez que je suis timbré, moins timbré que le fou qui m'a créé. Sur mon sort double, je voyage dans le temps, et c'est peut-être là que je trouverai le méchant. Je dois trouver cet affreux sorcier noir, mais je finis parfois par le voir d'en bas. Alors je cherche et je trouverai ce pouvoir qui est au fond de moi. Alors je cherche et je trouverai ce vieux fou qui est très méchant, qui est trop méchant. Pas Batman, le chevalier qui contrôle l'électricité, voyageur plébiscité dans l'espace d'humanité. Je cherche et je trouve.